Yippee-ki-yay, motherfucker. T'es non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de transmission, le 38e épisode. Aujourd'hui, je suis encore une fois bien entouré avec Manuel Haas à ma droite. Hello Olivier. Julien Rombaud devant moi. Salut Olivier. Et Lucien Alflandes qui est là à ma gauche. Salut les gars. Alors aujourd'hui un programme chargé, on a 4 films au programme et non des moindres puisque on va parler dans l'ordre du cas Richard Jewell, le film de Clint Eastwood. On enchaînera avec Une vie cachée de Terrence Malick. Puis il y aura le film Uncut Gems qui est sur Netflix. Et on finira par Les Enfants du Temps, le film animé de Makoto Shinkai. Mais vous l'avez réclamé à corps et à cri, chères auditrices, chers auditeurs, on va commencer aujourd'hui avec un jeu. Ouais. Le jeu s'appelle Mon Clint, ma bataille. Oula. Alors, vous allez prendre... J'ai préparé 4 petits papiers, messieurs. C'est pas très radiophonique, Olivier, ça. Non, ouais, non, je sais, mais alors Lucien. Lucien commence. Alors, il a pris son papier. Vas-y, Lucien, lis-moi ce qu'il y a dedans. Année 84 sur 7. Ça veut dire que Clint a réalisé 7 films lors des années 80. Tu dois trouver 4 films qu'il a réalisés dans les années 80. C'est chaud. La relève, c'est les années 80 ? Non. L'homme des hautes plaines, c'est fin septembre. Non, c'est pas un film avec un orang-outan, je te rassure. Non, c'est pas un film non plus qui se passe au Tibet. Ah, putain, j'en vois. C'est pas Kundun. Hein. Je crois que j'ai vu tous les Eastwood sortis à ce jour, mais alors là, comme ça. Bon, eh bien, je dois te dire que tu as perdu comme une merde. Complètement là, pour le coup. Ah, je vais pas faire mieux, tu sais. Il y avait au moins Bird. Oh putain, Bird. Alors, Manuel Haas. Année 2000, 5 sur 9. Voilà, tu dois sortir 5 films qu'il a fait dans les années 2000. C'est vachement plus facile, ouais, ça. Là, je pouvais m'en sortir, mais avec ce que je vais avoir là, je vais pas m'en sortir. Dans les années 2000, donc Mystic River, Créance de sang, Gran Torino, non, c'est Gran Torino, c'est 2008. Qu'est-ce qu'on a derrière? Mémoire de nos pères, Lettre d'Eojima. Ok, c'est bon, t'as gagné. Million Dollar Baby. Et maintenant, monsieur Julien Rombaud. Année 90, 4 sur 8. Vas-y, vas-y. Ben, impitoyable. Il y a déjà ces trois chefs-d'œuvre. Impitoyable. Space Cowboy. Non. Non. Attends que je réfléchisse. Il y a un film avec un acteur qui a un peu disparu, je crois, en ce moment. Ouais. Un mec qui devait tourner pour Ridley Scott, puis hop, il a disparu. Ah oui, avec Kevin Spacey, tu veux dire? Ah oui, non, je pensais à un autre acteur qui a un peu disparu. Une adaptation d'un roman. J'allais dire Sur la route de Madison. Oui, bah, Sur la route de Madison, fait deux. Bien sûr. Ok, ça fait deux, il m'en reste deux. Un film avec ton acteur préféré? C'est qui mon acteur préféré? Russell Crowe. Non, mais même genre. Un autre Kevin. Un Kevin Bacon? Non, Kevin qui? Costner. Ah putain, oui, putain, Un monde parfait, j'adore en plus. Ok, ça un fait 3. Un monde parfait, oui, bah, disons qu'on m'aide un peu. Voilà, ça fait 3,5. Il y avait la relève. Il y avait la relève qui avait été citée par Lucien il y a quelques minutes. Eh bien, donc je dois dire que Manu a gagné ce soir. Et pourquoi donc ai-je commencé par ce jeu si amusant? Parce qu'on va commencer tout de suite sur le nouveau film de Clint Eastwood, le cas Richard Jewell. Let's get a new tape going. All right, Richard, here's what we're going to do. We need a voice exemplar. I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Richard, you're a national hero now. Thank you, sir. But I was just doing my job. Move away from the town! You always look at the guy who found the bomb just like you always look at the guy who found the body. Jewel fits the profile of the lone bomber. A frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero. We're running it. You're a suspect. You don't talk. I talk. Say it. I don't talk. This might be the only way to clear your name. I want you to say there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. À 89 ans, Clint Eastwood a donc encore réalisé un nouveau film, son 8e sur la décennie 2010, après Au-delà, J. Edgar, Jersey Boys, American Sniper, Sully, le 15h17 pour Paris et La Mule, dont on avait parlé ici. Cette fois, le scénario du film est écrit par Billy Ray, scénariste du dernier Terminator Dark Fate. Un scénario inspiré d'un article titré American Nightmare, The Ballad of Richard Jewell, écrit par Mary Brenner pour Vanity Fair. À l'origine, ce projet, donc le cas Richard Jewell, devait être réalisé par Paul Greengrass, avec Jonah Hill dans le rôle titre et Leonardo DiCaprio dans celui de son avocat. Finalement, on retrouve les deux acteurs au générique, mais comme coproducteurs. Le film raconte l'histoire de Richard Jewell, agent de la sécurité très zélé, qui vit avec sa maman dans un modeste appartement à Atlanta, en Géorgie. Le film se déroule lors des Jeux Olympiques de 1996. Un soir, alors que Richard surveille un concert en extérieur, il porte son attention sur un colis qu'il juge suspect. Grâce à son intervention, un périmètre de sécurité est dressé autour du colis piégé et le pire est évité lors de l'explosion. Malgré de vie à regretter. Dès lors, les médias vont élever Richard au rang de héros local avant un violent retour de bâton lorsque celui-ci est suspecté par le FBI d'avoir tout manigancé. Richard Jewell est interprété par Paul Walter Hauser, repéré notamment dans I, Tonya en 2017, mais aussi Katie Bates dans le rôle de sa maman, Sam Rockwell dans celui de son avocat, Olivia Wilde en journaliste entreprenante ou encore John Hamm en inspecteur du FBI. La photographie est signée du Québécois Yves Bélanger qui a travaillé avec Jean-Marie Vallée, Xavier Dolan ou déjà Clint Eastwood sur La Mule. Alors, monsieur Haas, qu'as-tu pensé de ce nouveau Clint ? Que du bien, Olivier, hein, tu sais. Tu sors déjà la provocation, là, ou pas ? Allez, vas-y. C'est un film qui s'inscrit complètement dans la continuité de la filmo récente de Clint Eastwood, sur les héros ordinaires de l'Amérique, à la fois parce qu'il s'inspire à nouveau d'une histoire vraie, à nouveau il questionne la frontière entre l'homme et son statut de héros, ce qui peut l'apparenter à celui qu'on avait chroniqué dans ici à Transmission, c'est qu'effectivement on est face à deux personnages qui vont passer du statut de héros à celui de suspect. Mais pour le coup, la nouveauté dans ce film-ci, c'est un personnage qui est d'une certaine façon prisonnier d'un certain idéal et d'une image de l'Amérique qu'il a et qui va finir par lui le desservir. C'est un portrait d'un homme qui va peu à peu être amené à comprendre que son patriotisme, l'amour de son pays, va pas obligatoirement de pair avec un respect aveugle des institutions. Donc voilà, et c'est aussi, je pense, une des premières fois que je vois ça chez Eastwood, un grand film sur la frustration. Cette reporter qui est en quête d'un scoop, qui est frustrée de ne pas avoir son scoop. Cet agent du FBI qui est frustré parce qu'il doit surveiller un parc et en plus il rate son moment de gloire qui est de déjouer un attentat. Et ils vont appliquer en retour cette grille de frustration au personnage de Richard Jewell. Et construire un personnage qui ne serait que frustration non suspicieux, alors qu'en fait, ils ne font que projeter leur frustration sur ce personnage-là. Très bien. Merci, Manu. Je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Je trouve qu'il y a une très belle première scène qui est un peu un modèle narratif de comment introduire deux personnages, comment les présenter sans que ce soit too much, appuyé, trop bien expliqué. C'est bien joué, c'est bien écrit. Je trouve que très vite on est en empathie avec les deux personnages principaux. En fait, je trouve qu'il y a une fluidité narrative dans le film. Je trouve que évidemment que tout est très bien mis en scène et que ça avance, mais voilà, je me posais juste la question justement par rapport à ce que tu disais. C'est-à-dire ce lit par rapport à ce qu'on vient de voir, etc. Et je me dis, tiens, est-ce que effectivement ça s'inscrit dans la lignée ? Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça chez Eastwood. Et parce que voilà, je joue un peu l'hérétique de service dans la chapelle Eastwood qui est Transmission, j'ai l'impression. Mais c'est-à-dire que je le trouve moins singulier que ce qu'on a déjà vu, que La Mule. Alors qu'il y a des très bonnes scènes, je veux dire. Il y a des très belles scènes qui m'ont même plutôt ému. Quand il a la révélation finale, qu'il est en train de manger son hamburger, tout ça, je trouve qu'il y a des très bonnes choses. Mais en fait, la mise en scène qui est au service du film, parce qu'elle est vraiment avec les comédiens et qu'elle sert à faire avancer le film, je la trouve finalement assez invisible. Et c'est pas tant négatif, mais en même temps, il manque, je trouve, quelque chose qui me fasse vraiment aimer le film plus particulièrement. Mais c'est parce que la mise en scène est un peu dans les bons films, dans les grands films, je dirais même quand on parle de celui-ci, doit toujours être au service du film, mais là, elle est surtout au service du récit. Et c'est pour ça qu'elle se fait peut-être un peu. Enfin, c'est ce que fait Eastwood depuis très longtemps maintenant, depuis peut-être toujours en tant que réalisateur, hein, cette espèce de modèle d'épure. Moi, ce qui m'a surtout impressionné dans le film, c'est en effet cette maîtrise du récit qui arrive à faire exister à la fois ces personnages, comme tu le dis, presque en deux plans à chaque fois. Mais aussi à questionner un rapport triangulaire entre humanité, justice et autorité, comme ça un peu, et comment ces trois points se répondent, se rejoignent et se renvoient la balle même à certains moments. Et je trouve que la manière dont il traite ça est vraiment vertigineuse. Comment il va questionner l'amour filial, la candeur de ce personnage, l'amitié qui n'est de rien, mais aussi le rapport au pouvoir, à l'autorité qui va changer, qui d'abord transforme un personnage, mais qui va aussi changer au fur et à mesure du film. Comment il traite les médias comme étant un lieu de pouvoir très fort, presque aussi fort que le FBI au final. Qui va limite conduire l'action du FBI. Exactement, hein, exactement. Et puis la grande question de la justice, qui est vraiment le parangon du cinéma américain, comment ça, il ne fait qu'au final creuser le sillon qu'il creuse depuis plusieurs décennies, on en parlait en introduction. Et justement, qu'il ne faisait pas avec ce type de personnage-là. Exactement. Avec un personnage bien particulier dans sa filmo, qui est vraiment un personnage qui va progressivement devoir apprendre, comme le dit son avocat, à rendre les coups. Et c'est intéressant parce qu'en plus, cet acteur a un physique très, très rond, mais pas dans le sens... effectivement, il est rond physiquement, mais il a un côté très enfantin, poupon. C'est-à-dire que la justice, il la traite quasi uniquement à travers sa foi absolue en l'humanité, à travers ce personnage-là. Et ça, je trouve que c'est d'abord hyper malin et surtout d'une beauté folle. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je pense que c'est sans doute... Un des Eastwood que j'ai préféré depuis fort longtemps. Pour moi, c'est son meilleur depuis American Sniper. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Mais là où je trouve que le film est justement très, très intéressant, vous venez d'en parler, c'est sur son personnage principal qui est un vrai anti-héros. Et justement, dans ses zones d'ombre, le fait que ce soit un addict de la NRA, qu'il est aussi montré comme homophobe, même si on en fait plutôt une blague dans le film. Enfin, c'est un personnage qui n'est pas aussi montré comme un mec très malin, qui est parfois un peu trop zélé, je veux dire. Même il veut très bien faire son boulot et quelque part il est un héros parce qu'il a bien fait son taf, mais on montre aussi le mec qui est tellement zélé que ça peut aussi parfois causer des problèmes. D'ailleurs, ça lui pose des problèmes au tout début du film. Il y a même une scène, je trouve, assez intéressante sur ça, qui est une scène où il est déjà en train de travailler dans le parc, et il pense repérer quelqu'un. Ouais. On voit quasiment la personne que de profil, mais on est dans un profil très cliché du grand barbu, ouais. Etc. Et la scène s'arrête, elle va pas jusqu'au bout parce qu'au final, il y a une révélation à ce moment-là. Et la scène est très, très forte parce qu'en fait, t'as le même préjugé que lui dans cette scène-là quand il va suivre ce personnage-là. T'as pas le préjugé parce que tu vois ce gars-là, t'as le préjugé parce que la mise en scène justement te met le focus sur ce mec et que. Et parce que tu sais quel film tu vas voir. Oui, c'est ça. Après, moi je trouve que c'est vraiment le film qu'on devrait montrer à tous ceux qui regardent plus les films de Clint Eastwood depuis 20 ans en disant que de toute façon Clint Eastwood est un facho. Parce que je crois que vraiment ici, il y a 20 ans, on était en 2000, hein, c'est que ces gens n'ont pas vu les films. Oui, bien sûr. Mais celui-là, c'est particulièrement fort, je trouve, parce que c'est très clairement l'homme ordinaire contre les institutions, parce que les institutions de l'État américain sont montrées, et notamment la presse, le fameux quatrième pouvoir. Montrer comme défaillante, comme le fait que justement c'est un film qui te dit que la soif de pouvoir amène justement à des déviances et plutôt élève l'homme simple, l'homme du peuple, mais aussi dans tous ses défauts. Je dirais que c'est un film qui aime l'Amérique, mais avec toutes ses casseroles. Mais justement, il montre cet envers du rêve américain, cet envers de la réussite qui génère aussi beaucoup de frustration, et c'est cette frustration qui engendre cette dérive médiatique auprès de la journaliste qui veut absolument son scoop et qui est prêt à franchir les limites de son travail, et aussi celui qui est censé représenter l'autorité, qui est l'agent du FBI, qui aussi par sa frustration dérape aussi. À la fois il reconstruit un héros à échelle d'un prolo, quoi, d'un personnage ordinaire, et à la fois il montre qu'on a besoin de ça, mais qu'on est aussi en train de le détruire par d'autres aspects. C'est super intéressant, et je trouve qu'il fait ça de manière assez fine, parce que fine et littérale à la fois. C'est-à-dire qu'au début, quand le personnage principal annonce à Sam Rockwell qu'il aime bien, mais qu'il ne connaît pas vraiment, qu'il a croisé dans certaines circonstances professionnelles, lui annonce qu'il devient chef de sécurité, qu'il va travailler dans la sécurité, ce qui se rapproche un peu de son rêve d'être policier un jour. Rockwell lui répond fais gaffe, l'autorité peut transformer n'importe qui en con, ne fais pas partie de cela, en gros, je sais plus comment. Le formule en monstre. Et tout le film, en fait, décortique un peu cette phrase-là, Et à la fin du film, sans spoiler, à la fin du film, il y a une confrontation et on pourrait croire que Sam Rockwell, à ce moment-là, va réitérer ou va appuyer. Et en fait, non, parce que tout... En fait, le trajet du film a changé cette pensée-là dans un sens comme dans l'autre et en fait rend le truc purement anti-manichéen et extrêmement malin et fin. Ce que j'aime aussi beaucoup dans le film, c'est la manière dont, en fait, totalement à l'inverse de ce qu'avait pu faire par exemple Hitchcock avec Le Faux Coupable ou, et plus dans une veine de Capra qui se cite d'ailleurs dans le film, de totalement abandonner l'enquête policière en te plaçant toi en tant que spectateur comme celui qui sait déjà la vérité et en fait va te laisser voir vraiment tout du long du film les enchaînements de les mécanismes en fait qui amènent là qui vont faire arriver à ça et ça c'est super intéressant et c'est vraiment un regard sur même si le film se passe en 96 c'est vraiment un regard sur l'Amérique contemporaine quoi. Après il y a peut-être un aspect un petit peu plus raté dans le film qui est justement sur l'enquête les trois séquences de fin de rédemption en fait du personnage d'Olivia Wilde où elle refait le trajet elle va réinterroger le gars du FBI et elle se retrouve confrontée à la mère à la conférence de presse je trouve que ça ne fonctionne pas de manière émotionnelle la bascule de ce personnage là alors je pense que le film s'est beaucoup fait attaquer par la manière dont il dépeignait ce personnage là pas forcément sur ces scènes là aux États-Unis et je pense qu'il y a une problématique qui est liée au décès de ce personnage là la manière d'en fait de à la fois de la d'en faire un portrait assez dur au départ et de lui offrir une porte de sortie qui ne s'accorde peut-être pas forcément avec celle du personnage. Je serais peut-être un tout petit peu moins dur un tout petit peu moins dur que toi. Moi en fait cette scène-là m'a touché mais ce qui la déforce je crois un tout petit peu c'est qu'elle arrive vraiment en miroir d'une scène de bravoure de Kathy Bates qui pour le coup est vraiment touchante, très émouvante et en fait le virement idéologique de Olivia Wilde qui arrive à ce moment-là est peut-être un peu déforcé émotionnellement parce qu'en face il y a parce qu'il n'est pas traité je pense qu'il est traité avec des grosses pincettes du fait qu'on est sur une histoire vraie et qu'il y a cette problématique vis-à-vis de ce personnage-là l'avoir dépeint d'une certaine manière au départ et d'essayer de lui offrir une porte de sortie parce que ce personnage-là aussi est décédé. La porte de sortie est un peu lourde, mais elle existe. On ne peut pas dire que ce n'est pas traité. Moi, je trouve aussi, que, comme dit Lucien, que le moment de Kathy Bates est assez beau et assez chargé. Après, je voulais rebondir tout à l'heure sur le rôle des médias dont on parlait et à quel point, justement, c'est astucieux comment Eastwood décrit ça, c'est-à-dire la façon dont, évidemment, tout le monde est lucubre à partir d'une fake news, à partir de juste une suspicion, comment tout va se répandre comme une traînée de poudre et très vite et comment effectivement cet héros ordinaire il se retrouve piégé dans quelque chose de beaucoup trop grand pour lui mais c'est là que je parlais tout à l'heure dans ma première intervention de Sully c'est-à-dire que du coup un peu provocateur à deux balles je me demandais mais c'est quoi parce que moi je vois une variante de Sully donc je me disais il n'y a pas vraiment de renouvellement dans le thème sauf que je trouve le film ici beaucoup plus efficace parce que son héros justement par ses carences et par le fait qu'il soit trop gros trop un peu ignorant des choses etc fait qu'on est plus en empathie avec lui mais quand je disais je vois pas ce que ça apporte en plus à la filmo de Clint Eastwood la différence avec Sully c'est que dans Sully le thème qu'il y avait, c'était quand même à un moment cette idée de cette toute confiance entre la machine en le système face à l'humain. Et c'était quand même tout l'enjeu de ce procès de la scène finale qui était de dire oui, vous pouvez faire confiance à ces machines pour précalculer tous ces trajets-là. Vous oubliez le facteur humain. C'était l'idée du facteur humain. Là, c'est tout à fait un autre sujet quoi, qui traite. C'est-à-dire qu'en traitant cette espèce de mépris des autorités sur les petites gens et aussi, au final, par rapport à Sully, ce film-ci finit par ne peut-être pas tant questionner l'héroïsme, mais plutôt... Celui-ci est plus féroce sur les institutions, je pense. Déjà. D'abord, il finit peut-être par ne pas tellement questionner l'héroïsme, mais plutôt le fossé qu'il y a entre les idéaux et la réalité plus brutale, je veux dire, de la vie de ce personnage. Moi, je trouve la plus belle scène du film est justement assez bien symptomatique de ça. C'est le moment où l'avocat, qui est interprété brillamment par Rockwell. Sam Rockwell, confronte Richard Jewell à l'intérieur de chez lui et qui lui dit mais pourquoi est-ce que t'es comme ça aussi sympa avec tout le monde, etc. Et que Richard Jewell pour une fois sort de ses gonds et face à la figure complètement anarchiste qui est interprétée par Sam Rockwell. Il est pas anarchiste, il est libertarien. En tout cas, il est montré comme le mec qui déteste toutes les institutions et qui les méprise même. Dès sa première prise de parole d'ailleurs. Et Richard Jewell lui dit oui mais moi je suis pas comme toi. Moi justement, en fait, il est montré dans une espèce d'entre-deux où il respecte justement toutes ces institutions parce qu'il a vécu toute sa vie en disant qu'il voulait servir l'ordre, etc., etc., et que là justement il est mis en porte-à-faux entre les deux. Et je trouve justement que le dilemme de l'entre-deux, il est particulièrement bien incarné dans cette scène là quoi. Et puis si on faisait un parallèle avec un film dont on a beaucoup parlé l'année dernière, en fin d'année, sur la frustration d'un homme blanc vis-à-vis de la société, je pense que là, on a affaire à un cinéaste qui a un discours beaucoup plus articulé sur la société, sur le cinéma, qu'un certain Todd Phillips. Après, il y a 2-3 trucs que je regrette quand même dans le film. La Macarena. Je suis pas super fan de l'utilisation de la Macarena, même si ça a le mérite d'ancrer le film dans une époque. Et pourtant, d'ancrer dans le personnage, dans le côté un peu médiocre de John Hamm en train de surveiller ce pauvre truc. Quand je parlais de construction de personnage, en quelques plans, là on est en plein dedans et la Macarena aide à ça. Alors ouais. Après qu'on aime pas le morceau, ça c'est une autre question. Non, mais c'est par pas contre, ça. Justement, tu l'aimes pas comme John Hamm qui a pas envie d'être là à ce moment-là pour se retrouver avec des gens en train de danser la Macarena à côté de lui, tu vois. Et ça permet aussi, mais c'est exactement ça. C'est vraiment la volonté première du film et ça questionne aussi. Moi, il y a un truc, je me suis posé la question, je te coupe vite fait, mais c'est pas vite fait. C'est la musique, très vite fait. La musique de Santoval, je crois qu'il en fait, c'est un truc qui m'hallucine chez les grands metteurs en scène, les grands cinéastes, les grands auteurs. C'est il change de compositeur à chaque fois et à chaque fois, enfin, il a beaucoup composé les musiques de ses films, mais là, ce n'est pas lui. Et à chaque fois, c'est quand même une musique purement eastwoodienne, c'est-à-dire c'est des gens qui arrivent dont l'œuvre même déteint sur leurs collaborateurs. Et je trouve la musique très bien utilisée. Et pourtant, on pourrait croire si on ne voyait pas le nom de Santoval au générique que c'est une musique d'Eastwood. Et d'autre part, je ne suis pas fan non plus du rêve en mode flashback. Je suis d'accord. Là, pour le coup, je te l'accorde. Et enfin, je comprends pas. Enfin, ça me dérange pas trop dans le film, mais je comprends pas très bien quelle est la volonté du metteur en scène quand il s'attarde sur les personnes qui sont effectivement décédées dans l'attentat. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scènes qui sont quand même assez insistantes sur une mère et sa fille qu'on voit qui vont se faire prendre en photo, etc. Mais qui ne sont pas décédées dans l'attentat. Qui ne sont pas décédées, en plus. Ah, non, je pense... La mère, à mon avis, il y a un des personnages. Non. La mère est blessée, mais on la voit vivante après. Oui. Ah, ok, moi je pensais qu'on la voyait plus, ce personnage-là. Et, enfin, bon, bref. Il y a autre chose, moi, qui me dérange, enfin, qui me questionne dans le film, c'est la manière dont, en tout cas, dans la scène de l'attentat, il va s'attarder sur des personnages, même pas secondaires, plutôt tertiaires. À un moment, il y a un très long plan sur un père de famille qui filme avec son caméscope les événements. On s'attarde assez longuement sur une mère et sa fille qui se prennent en photo. Et je comprends pas très bien quelle est l'intention derrière ça. Pour moi, à mon sens, c'est pour ancrer encore plus dans une banalité, dans le quotidien, de surtout pas rentrer dans un geste héroïque à ce moment-là. Et en fait, il te montre qu'il est en train de sauver des gens qui ont des activités tout à fait triviales. Mais c'est exactement ça, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a une interaction avec le personnage. Ça, tu le dis pas, ces personnages, on les montre en effet, mais à plusieurs moments, on voit Richard Jewell les pousser vers l'avant, en dehors de la zone de... la zone dangereuse de l'explosion. Donc c'est aussi une manière, comme le dit Manu, de montrer comment, enfin, l'humanité ça de ce fonctionne personnage. Pas. Pour rebondir sur les petites choses et les petites questions, les choses qui m'ont posé question, pardon, c'est mais c'est aussi pour faire parler Lucien et Manu qui sont passionnés de Clint Eastwood. C'est je comprends pas trop le, enfin, je comprends pas. Disons que je trouve qu'il y a un petit côté happy end à la fin d'une scène qui vient se clôturer, alors que le plan sur le portrait de Jewell fonctionne très bien et le reste pourrait être expliqué. C'est-à-dire qu'il adapte un fait réel. Oui, mais enfin, il peut très bien s'arrêter au moment où l'affaire est élucidée. Et j'en parlais plus tôt, cette scène, elle permet d'approfondir le propos même du film à travers son rapport ambivalent à l'autorité. C'est la scène dont je parlais qui répond à la question, au questionnement de Rockwell au début. Quand c'est élucidé, elle s'arrête pas avant, justement. Oui, mais du coup, c'est là que ça peut paraître trop clair. C'est-à-dire qu'on a l'info qui a l'air d'être très claire. Effectivement, on n'a pas la phrase qui dit « c'est élucidé ». Et donc, il va te montrer un plan à la fin où ils vont se retrouver pour se dire qu'effectivement, c'est réglé, bien réglé. Et qu'il a besoin de ça. Tu peux imaginer qu'après une campagne de 80 jours, 88 jours, où tu es passé pour le suspect numéro 1 d'attentat, c'est pas juste avec une rétractation du FBI qui ne te considère plus comme une cible, que ton nom est lavé. Toujours comme coupable. Que ton nom est lavé, il faut aussi qu'un autre nom soit apposé par-dessus le tien, parce que justement, il remplace le sien à ce moment-là, dans l'histoire. Et puis d'un point de vue plus méta, je vais dire, on vient de parler du rapport très intelligent qu'a le film, enfin du regard très intelligent qu'a le film sur les médias, et puis sur les fake news, etc., dont tu parlais tout à l'heure, et puis on irait lui reprocher de ne pas te développer le fait jusqu'au bout. Je comprends ce que tu dis, mais pour moi, c'est déjà clair dans la scène d'avance. C'est jamais dit, tu peux pas le savoir si t'as pas lu d'article. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, si tu n'as pas cette scène-là, tu ne peux pas le savoir. Si tu n'es pas déjà au courant de l'histoire. Du point de vue de la mise en scène, où on sait très bien que ce n'est pas lui qui l'a fait de base. Oui, mais c'est justement ce que je disais, c'est que le film ne fonctionne que sur le mécanisme qui amène à. Et pour amener à, il faut aller jusqu'à A. Voilà. Très bien, merci messieurs. Je propose qu'on enchaîne tout de suite avec le film de Terrence Malick, Une vie cachée. Remember the day when we first met? I remember that motorcycle, my best dress. You looked at me and I knew. How simple life was then. What's happened to our country? We're killing innocent people, raiding other countries, preying on the weak. If our leaders, if they're evil, what does one do? You have a duty to the fatherland. The church tells you so. You cannot say no to your race and your hope. You are a traitor. Dixième long métrage de Terrence Malick, mais son sixième en 10 ans, Une vie cachée devait longtemps s'intituler Radegund, du nom du village du nord de l'Autriche dans lequel il se déroule. Le réalisateur américain installé au Texas en a écrit le scénario, renouant avec une forme légèrement plus linéaire, on va en parler je pense, que dans ses 3 précédentes fictions, soit À la merveille en 2012, Night of Cups 2015 et Song to Song 2017 dont nous avions parlé ici. L'histoire est en effet assez simple et s'inspire de faits réels. À la fin des années 30, Franz Jagerstätter semble couler des jours paisibles dans sa petite exploitation agricole avec ses 3 filles, sa belle-sœur et son épouse Fanny, qu'il aime éperdument. Et Fanny le lui rend bien, d'ailleurs. Malheureusement, le ciel s'obscurcit. Lorsque Franz va suivre une formation militaire de courte durée, il entre en forte contradiction avec les idées du Troisième Reich. De retour au village, il ne peut feindre de soutenir l'effort de guerre, son cœur et sa morale lui interdisent, et ce malgré les pressions des autres villageois et même du clergé local. Plus tard, Franz est appelé au front, il devient alors objecteur de conscience et sera emprisonné. Franz Jägerstätter est incarné par August Diehl, acteur allemand, vu dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino ou dans Allié de Robert Zemeckis ou même plus récemment dans Kursk de Thomas Vinterberg. Sa femme Fanny est jouée quant à elle par l'Autrichienne Valérie Pachner qui fait elle aussi une carrière austro-allemande pour le moment au cinéma, à la télévision et surtout au théâtre. On retrouve aussi dans de petits rôles notamment Bruno Ganz, Franz Rogowski qu'on a vu dans Happy End, Douloureux Souvenir, ou Phoenix de Christian Petzold, ou encore Matthias Kuhnart. Mais Happy End était un douloureux souvenir. C'est ce que je disais. À noter que pour ce nouveau film, Terrence Malick ne travaille pas avec son chef opérateur habituel Emmanuel Lubezki, avec lequel il collaborait depuis Le Nouveau Monde en 2005. Il est ici remplacé par Jörg Widmer, qui fut un collaborateur de Lubezki. Il travaille en numérique et quasi exclusivement en lumière naturelle. Alors, c'est donc Lucien, un amateur de Terrence Malick, qui va commencer sur le film. Un de ses apôtres. Un passionné. Mais ouais, c'est du Malick en plein, donc c'est brillant. Mais peut-être pour la première fois chez Malick, j'ai eu un problème avec quelque chose qui ne m'a même pas gêné dans des films que j'aime moins que celui-ci, que sont les des trois films précédents. J'ai eu un problème avec ce maniérisme qu'on pourrait appeler presque du naturalisme expressionniste, vraiment du naturalisme du geste expressionniste de l'image. C'est peut-être lié, comme le disait Oli en intro, Widmer est un excellent directeur photo, là n'est pas la question, mais je pense que Lubezki n'a pas son pareil pour aller dans ce type d'esthétique-là. Et à plusieurs reprises dans le film, ce que je n'avais jamais ressenti chez Manic, j'ai vu la caméra. Donc ça a pu me sortir à certains moments du film. Et j'ai aussi eu parfois l'impression que, en fait, Manic est tellement génial, tellement brillant, que par sa mise en scène, il arrive, par les détails, par les gestes manuels qui sont ceux du travail, qui sont ceux de l'affection, qui sont ceux de la communication, à travers toutes ces choses-là, il arrive à traiter son sujet de manière extrêmement efficace, visuelle et directe. Et j'ai parfois l'impression que dans ce film-ci, à deux tiers du film, il a fait le tour de son sujet et que le dernier tiers ne sert presque que à aller au bout de son histoire. Et donc j'ai peut-être un peu moins d'intérêt parce qu'on sait où elle va se terminer, cette histoire, on s'en doute. Après, la forme est brillante, les questionnements qu'il développe sont vertigineux, mais on y reviendra. Pour moi, en tout cas, qui ne suis pas du tout un admirateur de Malick, que j'ai même un peu lâché depuis 2005, qui est Le Nouveau Monde, je trouve que le film est plus centré, plus épuré, plus clair dans ce qu'il raconte que ce que j'ai pu voir jusqu'alors. Que, en tout cas, Song to Song, que j'avais vraiment pas du tout aimé. Je trouve que une figure récurrente de ce qu'il y a souvent chez Malick, qui est la voix off. Il s'inspire des textes, des lettres que vont s'écrire les deux amants. Et je trouve que du coup, ça a plus de sens et que ça fonctionne mieux. Et je trouve que le décor du village est particulièrement bien exploité. C'est vraiment entre montagne et ciel, entre ciel et terre. Et donc, ça exalte vraiment l'espèce de valeur spirituelle que là, ici, Malick essaye de chercher. Donc, en fait, en gros, dans ce film, il va chercher quelle est la part spirituelle dans l'amour, entre l'amour entre Fanny et Franz. Et, ça va plus loin que ça aussi. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai vu. Excuse-moi, je suis un peu limité. Et donc, du coup, là, je trouve que ça fonctionne bien et que c'est vraiment en adéquation avec le décor. On a vraiment la sensation d'appartenir à ce village. Il y a quelque chose qui fonctionne vraiment très bien pour camper l'atmosphère qu'il y a là-bas, les différents personnages et tout. On a la sensation d'y être, la sensation d'y appartenir quelque part. L'amour entre les deux personnages, on le sent vraiment. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Les deux personnages, je les trouve vraiment excellents, les deux acteurs. Par contre, il y a énormément de choses qui me gênent dans le film. Sa durée, je trouve que le film répète énormément. Il y a énormément de scènes qui répètent la même chose. Mais surtout dans son dernier tiers. Ouais. Des personnages, par exemple, typiquement Matthias Kuhnertz, Bruno Ganz, ils ont exactement la même fonction. Ils disent limite exactement la même chose. Enfin voilà, le film s'attarde énormément. Et je trouve que Malick retourne dans son péché mignon, qui est de privilégier la joliesse à la crédibilité. Et il y a des choses des fois qui me sortent complètement du film parce que je vois vraiment une mise en place que je n'achète pas. Mais qui est porteuse. C'est-à-dire que moi chez Malick, il y a une image qui est porteuse de sens que je retrouve vraiment que chez Miller ou Murnau. Et la question entre guillemets de la joliesse, qui est la question de la beauté et de la grâce, c'est la question au cœur du film. C'est pour ça que le film s'inscrit dans ce cadre naturel, extrêmement élégiaque. Et justement, toute la première partie travaille à te faire comprendre comment ce personnage fait corps avec son environnement. Et c'est parce qu'il fait corps avec son environnement qu'il est à même de comprendre que ce qui est en train de se passer dans son pays va à l'encontre de sa foi. Et c'est là où Malick est très très fort. C'est par la manière dont il travaille principalement en focale courte, donc il permet d'avoir ses personnages et le décor ancré dans le décor. Ça fonctionne. D'accord. Et il te fait ressentir ça quand tu parles, Olivier, très justement, du fait que le film est effectivement beaucoup plus limpide dans sa narration et dans cet échange entre ces deux personnages. Il l'est dès les trois premiers plans, oui, on voit le personnage affûté, sa faucille commence à faucher, sa femme arrive, elle affûte sa faucille, il fauche ensemble, et c'est hallucinant comme il raconte des choses à travers le geste qui est directement là. Il y a un sens du détail chez Malick, et qui n'est pas anecdotique, qui fait toujours sens, notamment, je pense, à la manière, par exemple, dont est annoncée et retardée la mobilisation du personnage, avec ce personnage du facteur qui régulièrement passe le long de la maison. avec une ligne de fuite extrêmement rapide, puisqu'on est effectivement en courte focale, donc il traverse le champ de manière extrêmement rapide, puis au fur et à mesure ralenti, et quand arrive le moment fatidique, on n'entend plus que la sonnette. T'as une économie comme ça narrative qui est extrêmement forte chez Malick. Ok, Julien. Ben, alors moi je suis très en contradiction. Effectivement, j'entends la limpidité de la mise en scène, mais j'ai l'impression que ça dure 30 minutes et qu'après c'est complètement insupportable pour moi. Je suis emmené par l'ampleur de la mise en scène et par les, voilà, effectivement, cette adéquation avec la nature, les paysages, tout ce qui est imposant. Il y a quelque chose de l'ordre du vertige, je trouve, entre le, comme tu disais, le ciel, les montagnes. Enfin, il y a quelque chose qui nous emporte vraiment dans ce champ, dans ces profondeurs. Voilà, une espèce de symphonie pastorale, visuelle, c'est très fort. Mais vraiment, alors pour le coup, je trouve que ça s'enferme très vite. Et que le film, comme tu le dis, Olivier, répète pendant 2 heures quelque chose qu'on a compris pendant 1 heure. Ce qui m'embête, c'est que cette forme, pour moi, prend vraiment le pas sur... alors on va pas être d'accord, mais prend vraiment le pas sur ce qui est de l'ordre du jeu, que les personnages n'existent très peu, à part le personnage principal. Qu'est-ce que tu appelles le jeu ? Ben, en fait, je trouve qu'il y a très peu de scènes. Bien sûr, il y a une narration qui est un trajet. Du début à la fin, il y a un trajet de personnages, mais je trouve qu'il y a très peu de scènes entre les acteurs. C'est exactement le travail de Malick, je te coupe, mais c'est ça qu'il fait depuis, après Badlands, c'est ça qu'il a commencé à faire, éventuellement Les Moissons du Ciel. Mais à partir de là, c'est-à-dire que Malick arrive à te faire en un plan sur une main dans une nuque, ce que n'importe quel autre cinéaste aurait pris une scène de 3 minutes à développer. C'est-à-dire que lui, il arrive à te faire comprendre tout le rapport que tu as entre ces deux personnages en un caressement ou une petite frappe derrière la tête. Et c'est là, quand je cite Murnau Miller, c'est là que je sens vraiment l'image qui porte un propos. Et ça, je trouve qu'on ne retrouve ça que chez les génies, vraiment. Moi, je trouve que ça empêche totalement, en fait, justement, du coup, l'émotion d'arriver. Alors, pour toi, à mon avis, l'émotion vient visuellement et dans ce qui se passe en 2-3 plans ou en 2-3 gestes. Mais j'ai l'impression que les scènes ne sont pas des scènes, mais sont des petites vignettes qu'on nous montre très vite. Sauf qu'elles construisent quelque chose. Elles viennent par strates, s'accumuler, se répéter. Et justement, quand je te parle de la scène... Se répéter énormément. Mais justement, par exemple, la scène du facteur, elle est symptomatique de ça. Il y a plein de mouvements cycliques au sein du film. Au début, tu as donc cette herbe très courte. Et le moment où arrive la guerre, tu retrouves les personnages submergés par des herbes très hautes, etc. Et tu as t'as une préscience de ce qui est en train d'arriver. Et c'est une limpidité, c'est là où, quand même, où Malick se pose là dans les grands cinéastes contemporains. Il y en a peu qui travaillent le langage du cinéma de cette manière-là. C'est vraiment un narrateur et un inventeur de forme. Il y a même un moment, plusieurs fois, est filmé sur un mur en allemand, je vais très mal le prononcer, mais Sprachen verboten, donc parler est interdit. C'est-à-dire, chez Malick, la parole importe peu, et c'est vraiment uniquement par l'image qui va faire transparaître ses idées et ses questionnements. Et en fait, il te le dit directement à toi en tant que spectateur, en filmant ce truc-là. Et c'est pas uniquement... Dans la diégèse du film, c'est aussi pour te raconter quelque chose directement à toi. À toi, Julien Rombaud. Moi, cette ampleur visuelle, finalement, elle se change pour moi en un écrin qui empêche les choses d'affleurer. Parce qu'on a... On filme une dispute, ça dure 10 secondes. On voit juste un plan tête contre tête. Mais moi, en fait, ça m'empêche l'émotion d'advenir. Alors, on est des spectateurs différents, probablement, mais il y a une scène où il est frappé, je finis juste là-dessus, il est frappé dans la prison, elle pourrait être très forte, et en fait, elle est mise en cut, en recut, en insert, elle est très hachée. Et du coup, je ne vois que la forme, et je ne suis pas avec ce personnage. Mais je pense que, après, c'est un positionnement effectivement de spectateur que tu as. Je pense que si tu t'abandonnes au film... Tu te laisses emporter. C'est un film aussi qui te demande de lâcher prise et d'être dans l'ordre de la sensation. Si tu t'arrêtes à cette idée, je n'ai qu'un instant fugace de ça, effectivement, tu vas être frustré parce que tout le début du film, et je pense en plus toute l'installation du film, te demande ça, d'embrasser la nature comme le personnage l'embrasse. Et en plus, c'est un film qui est extrêmement clair parce que très tôt, tu sais ce qui va définir le conflit du personnage. Qui va être le fait qu'effectivement, il ne pourra pas transiger sur ça. Je comprends ce que tu dis, Julien. Je comprends ta frustration du fait de ne pas avoir de vrais, quelque part, des enjeux complexes qui peuvent se nouer dans une scène avec deux personnages et d'avoir une vraie scène construite. Voilà. Et en effet, ici, il fonctionne différemment parce que c'est une accumulation. Je ne suis pas exactement d'accord, Lucien, quand tu dis qu'il dit plus avec une main sur une nuque qu'une scène de 10 minutes dialoguée chez Bergman. Moi, je suis pas d'accord avec minutes. Ça. Mais, je parlais pas de Bergman. Mais enfin voilà, je trouve que c'est autre chose. C'est un autre niveau de narration et c'est juste deux choses qui sont différentes. Après, ce que je disais, faire, c'est que quoi. Juste moi, quand je vois la nana qui sert de son métier à tisser et que je vois très bien qu'elle sait pas s'en servir, ça me sort du truc. Quand je vois la nana qui parce que Olivier sait très bien comment on se sert d'un métier à tisser. Eh ben, détrompe-toi. Ce qui me dérange, c'est l'empilage, enfin justement là ça fonctionne par couche, mais pourquoi est-ce que des fois t'as 15 fois la même couche quoi? Le fait qu'on la rejette dans le village, putain, c'est bon, on a compris quoi. Et après, elle est quand même sympa, elle donne quand même des chouraves à sa voisine qui est plus pauvre qu'elle. Ok, putain, on l'a compris aussi quoi. Ça dure. Et on te le redit, on te le réexplique et on te le réexplique. On te le montre beaucoup. Mais parce qu'on brasse large et qu'on essaie de traiter des sujets qui vont un peu loin. Alors, oui, je suis d'accord, il y a certaines choses sur lesquelles il revient. Et comme je disais dans mon introduction, ça ne me dérange pas du tout, en tout cas dans les deux premiers tiers du film. Sur la fin, j'ai l'impression que tout ça ne tient plus que de la narration, ce qui n'est pas inintéressant évidemment au cinéma, mais peut-être ici me parle moins. En tout cas, c'est moins ce que j'attends du cinéma de Terrence Malick. Après, c'est quand même dingue comment il arrive justement avec peu de paroles et à travers l'action et l'image à te questionner toi en tant que spectateur sur qu'est-ce que sont les idéaux, à quoi servent-ils, sinon à ta propre intimité. Il questionne cette intimité idéologique-là, mais aussi à travers le politique, à travers le religieux. Il va questionner le libre arbitre et les conséquences que ça a sur le monde, sur nous. C'est quand même assez vertigineux. Et il va convoquer tous les plus grands penseurs de Camus par l'absurde, à Nietzsche, à Lévinas ou à Heidegger pour la droiture morale, pour le côté du martyr, sur les questions de qu'est-ce que représente, qu'est-ce qu'est le mal, ainsi que tous les rationalistes. Il va te faire dialoguer ses images à lui avec les images de Leni Riefenstahl sur du Bach. Dans l'histoire du cinéma qui fait ça, il y en a peu. Hein. En tout cas, on parle beaucoup de paroles épurées, du fait qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a quand même aussi des choses qui sont justement très fortement assénées, comme j'ai noté des phrases, il y a tout des questions, les persécutés ont-ils atteint le royaume, ton Dieu est cruel, etc. Il y a tout un passage comme ça, c'est très sentencieux et pour le coup, Paris, a priori, c'est pas si sentencieux que ça, c'est des questionnements, a priori. Est-ce que ces questions n'arrivent pas par elles-mêmes dans ce qui se passe Je pense que tout le film est tout un cheminement de par son effet de répétition, d'empilement, de par sa longueur, et qu'il t'amène aussi à te questionner sur toi-même, jusqu'où tu serais prêt à aller. En tout cas jusqu'à 2h56. Putain. Ben moi j'ai honnêtement c'est 2h56 que je n'ai pas vu passer parce que je trouve que c'est un film effectivement totalement sensitif. C'est un film qui est en 3D, que sans 3D, je veux dire tu es complètement immergé dans ce monde-là et c'est oui ça c'est, fonctionne. Encore une fois on en revient à dire qui fait ça actuellement? Quel est le cinéaste? Mais plus qu'actuellement. Qui a une voix aussi singulière dans le paysage du cinéma actuel pour un film qui est extrêmement porté par une narration visuelle. Se pose la question que la parole est quand même un acte et que une grande partie des protagonistes vont lui sortir. Tu fais allégeance à Hitler et tu fais autre chose à côté. Et lui refuse ce principe-là de se dire non, ma parole est un acte en soi. C'est à ça que je faisais référence quand je parlais du côté intime de l'idéologie. Où ça commence, où ça s'arrête et qu'est-ce que ça représente. Et c'est en ça que je pense que le film est aussi extrêmement actuel et contemporain dans ce qu'il pose, parce que justement, carrément. Dans un monde où la parole est autant dévoyée, Aussi vide, il se pose cette question-là. Et aussi, comment en fait la conscience dépasse le simple exercice de la réflexion, et particulièrement dans un cadre assez violent comme celui de la guerre, enfin, quand on te demande un choix aussi radical. Et ça, je trouve ça super intéressant, parce que c'est ténu comme questionnement, mais c'est un questionnement que moi, je ne m'étais jamais posé, par exemple. Super les gars, et est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les matons aboient en allemand et sont montrés comme des espèces de chiens fous de Tex Avery? Alors petit rappel, je pense que c'était en train quand même de faire quand même une réduction à nominem sur ça, c'est qu'il n'y a pas que les matons qui sont en train d'aboyer en allemand. Régulièrement le film mélange l'allemand et l'anglais. Le maire autrichien aboie aussi. Et c'est justement... Oui mais il parle aussi fréquemment en anglais. Oui, mais pas tout le temps. Et justement, dans le caractère justement sensitif du film, c'est qu'à des moments, tu n'as pas besoin de comprendre ce que les gens disent. C'est le son, l'intonation des voix qui compte. Et à des moments, il a besoin de te faire passer à un degré supérieur et donc te rendre intelligible un propos. Et on passe à l'anglais. Et est-ce que tu reproches ça au temps d'aimer, au temps de mourir de Douglas Sirk ou à n'importe quel autre film hollywoodien qui utilisait exactement les mêmes procédés? Je pense pas avoir vu quelque chose d'aussi quand même appuyé. Tranché. Et je me demande ce qu'on pense en allemand, en fait. En fait, j'entends les arguments de sensitif et de se laisser abandonner de Manu quand j'ai pris la parole tout à l'heure. Je trouve ça bien, mais en fait, il est quand même des gens, enfin, il existe des gens, justement, qui n'en ont pas envie de se laisser abandonner. Parce qu'on est aussi, bon, peut-être... Après, si on rentre dans une salle de cinéma en refusant de s'abandonner au film, je pense qu'il vaut mieux pas franchir le pas. Bah, c'est juste qu'à partir du moment où j'ai la sensation que c'est impossible de s'attacher à quelconque personnage parce qu'il n'a aucune substance, parce qu'il n'existe pas, parce qu'il y en a qui arrivent pour nous dire une phrase qu'on ne les a pas vus avant, qu'on ne les revoit plus après ou pratiquement, je ne peux pas être avec eux. C'est-à-dire que ça participe à quelque chose de généralisé qui est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas de substance. On demande de suivre des choses qui passent et qui fuient l'écran, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression pendant 2 heures de voir quelque chose de doloriste qui s'étend, qui dure. Alors là, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le dolorisme du truc. C'est aussi, je trouve, un très très beau film d'amour et qui par instant peut être d'une légèreté. Je trouve qu'il y a des instants de grâce lumineuse qu'on voit rarement. La légèreté, elle est là pendant 30 minutes. Après, elle n'existe plus. Elle existe quand même à certains moments et elle revient à travers des... Mais il reste 2h30. Très bien, merci messieurs. Je pense que nous sommes... Irréconciliable. Donc je pense qu'on va aller faire chacun notre petit podcast de notre côté. Manu et Lucien iront faire mission et nous on fera trans. Ce sera beaucoup plus rigolo. Et on passe tout de suite au film Uncut Gems de Josh et Benny Safdie. I made a crazy risk, a gamble. And it's about to pay off. So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds. What do you know? I don't know. I just know. Well, I'll tell you what I know. That's the dumbest fucking bet I ever heard of. I disagree. Joshua et Ben Safdie sont frères et ils ont grandi à New York. Ils se font remarquer à la fin des années 2000 grâce à des courts-métrages tournés chacun de leur côté, puis en tandem avec le long-métrage Lenny and the Kids, connu aussi sous le titre Daddy Long Legs en 2009. En 2017, les frères Safdie marquent un premier gros coup sur la scène internationale avec Good Time, un polar avec Robert Pattinson qui leur vaut une sélection cannoise. Comme c'est le cas depuis leur deuxième long Mad Love in New York en 2014, Uncut Gems est coécrit avec le scénariste et réalisateur Ronald Brownstein. Ce nouveau film raconte l'histoire d'Howard Ratner, c'est Adam Sandler, un bijoutier new-yorkais qui importe illégalement une sublime opale d'Éthiopie pour la mettre aux enchères. Mais un de ses clients, le basketteur Kevin Garnett, sait prendre la pierre et lui emprunte. Et certes, l'opale semble galvaniser les performances du basketteur qui, dès lors, peine à la rendre à Howard, ce fameux bijoutier. Dommage pour notre héros qui comptait sur la vente de la pierre pour rembourser son beau-frère Arnaud, à qui il doit une coquette somme d'argent. Initialement prévu pour Jonah Hill, le rôle d'Howard échoue finalement à Adam Sandler, je l'ai dit. La photographie est signée Darius Kondji. Le montage par Benny Safdie lui-même et son co-scénariste Ronald Brownstein. Enfin, notons que comme pour Good Time, la musique aux sonorités électroniques du film est composée par Daniel Lopatin, plus connu sous le nom de Oniotrix Point Never. Le film est sur Netflix, il n'est pas sorti en salle chez nous, mais il a bien marché aux États-Unis, je crois. Il en a raté des films Jonah Hill récemment. Pour moi, Uncut Gems, c'est tout à fait un film de son époque, parce qu'il est... anxiogène, il est brouillon, il est bordélique, il prend totalement acte de la confusion qui nous tape aujourd'hui et dans laquelle on se trouve. Et je trouve qu'il y a dans le film des scories et des petits défauts. J'adhère pas à ce qui est des images un peu plus, le côté un peu psychédélique, cheap, lorsqu'on s'aventure dans l'opale, etc. Enfin, il y a le colon, j'ai trouvé ça un peu too much, effectivement. Mais je trouve qu'il y a une énergie dans le film que j'adore. Alors, c'est étrange parce que je l'ai vu en 2 fois. Et la première fois, je me suis senti agressé dans le film et pas au bon endroit. Et donc, je l'ai arrêté. Et en fait, quand je l'ai repris, j'ai adoré ça. Je me suis senti happé, c'est tendu, je suffoque. Je trouve que la dernière partie est sous apnée totale et je trouve que ça fonctionne très bien. Et je trouve qu'on est totalement pris dans cet affre. Et il y a un vrai amour du personnage d'Adam Sandler que j'ai jamais vu aussi bien, sinon dans le Paul Thomas Anderson. J'ai juste une question. Le film, il raconte quoi ? Il raconte la perdition d'un mec à qui tout échappe, qui est pris totalement dans quelque chose de trop grand pour lui, mais qui est totalement attachant en même temps. Et je trouve que c'est cet attachement-là qui est... Parce qu'ils ont ça pour les losers, les frères Safdie, ils l'ont déjà eu avec Robert Pattinson dans le précédent. C'est quelqu'un qui foire sa vie, mais qui la foire bien, qui la foire avec panache et qui est attachant. On n'est pas chez les Cohen non plus. Hein. On n'est pas chez les Cohen, mais enfin, le personnage de Ward, il est quand même vraiment pathétique, il est quand même vraiment foireux. C'est un loser fini, mais niveau attachement, c'est quand même moins bien écrit que chez les Cohen. Quoi. Mais c'est là que je trouve, quand je dis que c'est brouillon, c'est qu'il est très malaisant, enfin, il met mal à l'aise, il en fait trop et il est pénible. Mais je trouve quand même que quand tu le vois chialer, ou qu'il est la gueule en sang avec ses grandes dents qui lui vont pas. Fin... Tu dis que c'est un film en phase avec son époque? Et en fait, moi, ce qui m'a peut-être le plus dérangé dans le film, c'est que j'ai l'impression que c'est un film qui est totalement en retard. Quoi. C'est un film qui est moins contemporain que pourrait l'être After Hours de Scorsese, auquel le film fait assez ouvertement référence, j'ai l'impression, et qui est sorti, si je ne dis pas de conneries... 86. Voilà, milieu des années 80. Quoi. Donc, le côté contemporain, à part dans l'utilisation des smartphones qui sont filmés de manière totalement banale, je ne le vois à aucun moment. Et dans la musique que je trouve excellente, mais excellente à écouter, qui n'apporte absolument rien, qui même pour moi déforce très régulièrement l'action. Même l'utilisation de Kevin Garnett. Alors, si tu veux raconter quelque chose sur ton époque à travers les étoiles, etc., tu le fais avec The Weeknd, pourquoi pas. Kevin Garnett, c'est quoi aujourd'hui? Tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié, à part les fans de NBA. Enfin, je veux dire, il y a un truc, pour moi, c'est vraiment un film qui arrive en retard. C'est marrant parce que j'ai vu After Hours il y a 2-3 mois. Finalement, je ne l'ai pas trouvé si anxiogène. Ici, je suis vraiment... Enfin, le dernier tiers du film, je suffoque complètement à me dire, merde, est-ce qu'il va s'en sortir ou non? Parce qu'il est... J'ai l'impression que par l'utilisation justement des technologies et des trucs, il est complètement, complètement niqué de toutes parts, il pourra jamais s'en sortir comme ça. Moi je trouve que c'est plutôt un film, c'est pas un film anxiogène, c'est un film assourdissant. C'est un film qui répète tout au long de son métrage qui vocifère constamment, qui est brouillon, effectivement tu parlais d'un aspect brouillon, mais c'est ça la grosse problématique du film. C'est un film qui est sous mise en scène régulièrement. Cet aspect brouillon fait qu'à des moments, tu as des incohérences complètes dans le trajet des personnages. Il y a notamment une scène vers la fin du film où le personnage de Howard est maintenu par deux hommes de main au-dessus d'une fenêtre. Tu as typiquement, à ce moment-là, mais un truc de débutant en termes de construction d'une scène, la fenêtre est obstruée par une photocopieuse. On a le personnage de Arnaud, qui est son beau-frère à qui il doit de l'argent. Donc on a clairement un gros plan qui nous montre le malaise de ce personnage-là vis-à-vis de la situation qui est en train de partir en sucette. Les mecs empoignent Howard, l'amènent vers la fenêtre, sauf que là, il y a la photocopieuse, tu ne sais pas pourquoi elle est là, parce que là, ça n'a jamais été amené auparavant, parce que le découpage est hyper brouillon. Et là, tu as un plan éclair dans le montage qui montre à Arnaud enlever cette photocopieuse, et le plan suivant, non, ne le jetez pas par la fenêtre. Mais tu te dis, ce personnage est débile. Il y a un problème de construction spatiale des choses. Et le film est constamment comme ça. Pour moi, c'est un film qui est complètement épileptique dans son montage, qui n'est régi que sur un seul registre et un seul rythme, et qui, à un moment, me pose un problème dans la construction des personnages. Parce qu'à un moment, je n'y crois pas. Et quand tu me parles d'Adam Sandler n'a jamais été aussi bon, il faut avoir jamais vu aucun film d'Adam Sandler auparavant pour dire qu'il n'a jamais été aussi bon depuis quoi? Depuis Paul Thomas Anderson? C'est quoi ce snobisme vis-à-vis du cinéma d'Adam Sandler? Je trouve que c'est pour le coup un film qui a beaucoup d'attributs du cinéma d'Adam Sandler. Le rapport à la maladie dès le départ du personnage, puisque dès le début du film, ce personnage se questionne sur un problème qu'il a au côlon, qui est désamorcé dans une scène complètement bordélique au milieu du film. C'est quelque chose que tu as dans Funny People de Judd Apatow. Ce rapport par rapport aux personnages qui sont constamment pris dans le flux des choses et qui courent après leur vie et qui la ratent, c'est un thème récurrent des films d'Adam Sandler, et je trouve qu'il l'a fait de manière beaucoup plus touchante auparavant que dans ce film-là. Pour moi, ce film-là, il est justement sauvé par le talent d'acteur d'Adam Sandler, mais certainement par l'écriture des frères Safdie. Les seuls moments où je m'attache au personnage, c'est peut-être l'histoire d'amour entre le personnage de Howard et la vendeuse de son magasin, où la mise en scène est un peu plus posée, on est moins dans ce montage épileptique où on est constamment en train de le suivre, et à un moment, moi, l'attachement vis-à-vis du personnage qui ne fait que connerie sur connerie, j'ai quand même un peu de mal. Alors, je connais assez mal, enfin pas assez bien en tout cas, la filmographie de Sandler que pour pouvoir rebondir là-dessus, mais par contre, tu parlais tout à l'heure de montage épileptique un peu crétin. Moi, j'ai à plusieurs moments eu l'impression qu'ils avaient fait avant le tournage, ils avaient découpé le film de manière plus ou moins correct, je veux dire, et qu'au montage, ils se sont dit merde, on n'a pas cette énergie qu'on veut, on va rajouter des plans. Et comme s'ils avaient tourné un peu des plans aléatoires en se disant comme ça, on aura cette latence-là, je veux dire, au montage. Et il y a un moment où vraiment, en effet, il y a des scènes qui deviennent totalement illisibles parce qu'elles ne sont pas pensées comme mais même pour l'enchaînement de plans qu'on te montre. Incohérente, quand je te dis la scène dont je viens vous de parler, ce moment où il est balancé hors de l'immeuble et tenu par les pieds. En un plan de 3 secondes, on voit le personnage faire quelque chose de totalement incohérent entre l'action qu'il a avant et l'action qu'il aura après. C'est un problème de découpage, de mise en scène qui flingue complètement mon identification et mon émotion que je dois avoir dans cette scène-là. Après, pareil que Lucien, effectivement, j'aurais peut-être dû dire que je n'ai jamais vu Adam Sandler comme ça. Il reste que, pour le coup, moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et je crois que c'est justement parce qu'il y a, en plus de ce que j'ai pu voir dans ses précédents films, moi, une couche bien plus dramatique et bien plus perdue de ce qu'il est. Et donc, moi, je ne suis absolument pas d'accord vis-à-vis de ça. Quand je parle de snobisme, je ne m'adresse pas à toi, mais c'est en général sur la réception du film, où tout d'un coup, bon, il y a peut-être la campagne des Oscars qui a joué sur ça, de mettre énormément en avant le contre-emploi d'Adam Sandler. Moi, je trouve ça très bizarre de parler de contre-emploi, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est très sandlerien, si on pourrait dire, parce qu'en fait, il semble quasiment écrit pour lui, parce qu'il brasse beaucoup de thématiques dans certains de ses films-là. Et moi, je trouve qu'il le fait de manière moins forte que dans ses autres films, en fait. C'est moins intéressant, c'est moins puissant que dans certains autres films d'Adam Sandler. Mais en tout cas, je l'ai dit, il y a une frénésie, et c'est aussi cette énergie vitale, j'ai l'impression, qui me fait fermer les yeux sur les faiblesses, mais ce qui se passe, c'est que je trouve que la forme, elle est en totale adéquation avec ce personnage, parce qu'elle est elle-même, et vous l'avez dit suffisamment bien, illisible parfois, en tout cas, foutraque tout le temps, brouillonne, mais j'ai l'impression que ça fait corps avec son sujet, qui est Sandler, qui est incapable d'avoir prise sur quelque chose sans foirer, sans rater quelque chose. Moi, je pense que tu peux faire le même film avec un découpage beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide que celui-là. Je pense qu'à un moment, c'est vraiment par ce mode de narration qu'ils affadissent leur film et qu'ils ne l'élèvent pas. Mais Good Time était plus clair, il me semble. Je n'ai rien compris à ce film. Je ne comprends pas ce que ce film veut me dire. En fait, le fait que ce soit aussi bruyant, aussi surexcité, aussi tout le temps sur le même rythme comme ça, avec des mecs, il faut dire quand même ce que c'est que le film, hein. C'est un film qui est surdécoupé, quasiment à 80% du temps en gros plan, avec des mecs qui gueulent dans des téléphones ou qui gueulent entre eux, et des mecs qui gueulent au-dessus des dialogues que le mec est en train de parler. Et t'oublies de dire un truc, avec une musique par-dessus qui en plus... Ouais, voilà. Enveloppe le film encore d'une couche par-dessus. Quoi. Et c'est en ça que je parlais de la confusion. Qui est super bien la musique, mais qui est insupportable dans le film. Quoi. C'est en ça que je parlais de la confusion totale qu'il y a dans le film. Et de l'époque, c'est qu'on est saturé d'écran, de musique, d'images, de trucs. Oui, mais... donc là, saturé ici en plus de gros plans, saturé de couleurs, saturé de vulgarité, saturé de néons, machin, saturé. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est hyper fatigant. Et surtout, c'est sur le même rythme tout le temps. Donc le mec, il est à fond, enfin genre à 600% tout le temps. Donc au bout d'un moment, ça devient hyper lassant. Il y a quelques petites accalmies quand même. Par exemple, quand il va voir l'ancien appartement, enfin l'appartement où sa femme doit être partie, quand il est avec son fils, etc. Justement, c'est les rares trucs qui fonctionnent avec sa fille, avec en effet son amante. Des fois, il y a un truc qui se noue. Mais moi, je ne sais pas quel est le justement par rapport à mon affect par rapport à ce personnage-là. Je ne sais pas si je dois détester ce mec, si je dois trouver qu'il est sympa quand même, tu vois. En fait, je ne comprends rien. Il faut te laisser emporter. Te laisser emporter dans le film, c'est tout. Tu vois, ok, d'accord. Il faut te laisser emporter dans cette frénésie, finalement. Oui, je pourrais me laisser emporter dans cette frénésie, mais je trouve que ici, par exemple, dans le Malik, il y a des trucs qui se passent. Tu vois, le mec, le facteur, il passe, il fait glingling, et je me rappelle. Ici, tout est tout le temps tellement sur le même truc que je ne sais pas trier mentalement, qu'est-ce qui est important, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que le film me raconte. Qu'est-ce que le film me raconte sur les rapports Nord-Sud? Qu'est-ce que le film me raconte sur la vulgarité? Qu'est-ce que le film me raconte sur le règne de l'argent roi? Qu'est-ce que le film me raconte sur la famille? Qu'est-ce qu'il me raconte sur la judaïté? Je vois qu'il a envie de me dire des trucs là-dessus, mais je ne comprends pas ce que le film me dit, quoi. Mais quand même, donc, une petite nuance, c'est que tu comprends ce qui se passe dans le film, mais tu ne comprends pas ce qu'il essaie de te dire. Exactement. Quand tu dis je comprends rien, je crois que t'exagères un peu. Je comprends le scénario, comprends l'enjeu, mais en même temps, qu'est-ce qui est le plus important dans le film? Tout est tout le temps au même niveau. Sur le même plan. Ouais. Quel est le niveau auquel moi je dois me raccrocher? Quels sont est-ce qu'il y a une hiérarchie des événements dans ce film qui me fait aller sur un chemin de compréhension? Il y en a aucun. La hiérarchie qui est mise en avant, et c'est quelque chose que je trouve assez énervant dans un certain cinéma contemporain, c'est cette façon de mettre en avant des choses qui sont considérées, je veux dire, majoritairement comme étant cool, et de fonder des films là-dessus. C'est un peu le problème que j'ai avec les frères Safdie. Mad Love in New York, ou je sais ça le titre, je sais plus exactement. Ouais. Ça, c'est le truc avec les toxicos. Bah, c'est du Jerry Schatzberg, cool, enfin contemporain et cool. Ici, j'ai l'impression de voir la même chose. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils reprennent des recettes qui fonctionnent et qui les ponctuent de petites choses un peu doucement provocatrices, un peu instagrammesques, un peu branchées, qui sont vraiment quelque chose que je trouve extrêmement énervant. Et au final, c'est le premier film que j'ai vu de la sélection. Je ne m'en souviens absolument pas. Et puis le problème, c'est aussi que tu as beaucoup de fausses pistes. Il y a une fausse piste vis-à-vis de son amante. Il y a toute une scène où elle est au téléphone. Tu peux penser qu'elle a elle le manipule, ou qu'il y a quelque chose qui se passe sur cet axe-là. C'est complètement abandonné. Et il en fait quoi de l'intro? Son intro, il en fait quoi? Il fait une intro, ça n'intervient plus. Ils en reparlent à un moment donné, mais ça, c'est vrai que c'est faible. Deux secondes dans un million de dialogues. Enfin, je veux dire, mais ils en parlent pour dire, en fait ce que, minutes, tu essaies de nous arnaquer, alors que tu as arnaqué toi-même ces Éthiopiens qui ne gagnent rien. Mais putain, la profondeur. Ça, je suis d'accord, c'est pas. Alors c'est... que ça prend cinq bonnes minutes en début de film avec une sorte de plan séquence qui commence dans la géode, je sais pas quoi, et qui se termine dans le trou de balle de Sandler. Mais justement, et quand ça se finit dans le trou de balle de Sandler, pour introduire une séquence, un rapport vis-à-vis de sa maladie, de sa crainte de la maladie, qui se conclut dans une scène complètement anecdotique. La suspicion de son amante, c'est anecdotique. Tout le moment du départ de la pierre, il va pas la rendre avec son associé, c'est complètement foireux et ça reste anecdotique. Pourquoi il ne le rend pas ce soir-là, etc. Pourquoi l'autre ne lui répond pas au téléphone? C'est extrêmement artificiel dans cette écriture. Et donc, à un moment, moi, j'ai trouvé ça le film assez pénible. Je me suis raccroché au moment de calme, une petite séquence, un moment en famille, une séquence avec son amante, la scène effectivement avec sa fille, les moments un peu plus apaisés. Mais sinon, moi, j'ai un problème vis-à-vis d'un film où constamment je me fais agresser, et en plus où je ne vois pas du tout ce qu'il y a de neuf ou d'intéressant qui me raconte, qui n'a pas déjà été raconté mille fois. Non, mais je suis d'accord. Quand tu dis pénible, je crois que le film n'est pas aimable. Je crois qu'il n'est pas aimant. Enfin, ceci dit, moi, je me sens agressé de regarder 3 heures de quelque chose qui se répète et que j'ai l'impression que ça n'avance pas. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais attends, la différence, tu vois, par exemple, chez Malick, on est clairement dans quelqu'un qui travaille un langage qui lui est propre. Là, on est face à des cinéastes qui sont en train de réinvestir une forme de cinéma complètement galvaudée qui a été instaurée au début des années 2000 avec les films de Greengrass, cette manière de ce type de filmage. Et à un moment, qu'est-ce qu'ils y apportent? Rien. Il y a dans la forme, pour moi, la forme fait vraiment sens chez Malick. Il faut abandonner. Là, la forme joue contre le film. Ça veut avoir le cadrage de Cassavetes que j'adore, ça veut avoir l'énergie dans le montage de Scorsese que j'adore, et au final, ça ressemble à du sous Greengrass. Après, ce sont ses influences, ça c'est sûr qu'on ne peut pas lui enlever, mais pour revenir sur ce que disait Olivier, sur ce truc qui t'échappe, j'ai l'impression que c'est vraiment le sujet du film, et que cette effervescence, c'est dans des quartiers de bijoutiers qui essaient de sauver leur peau, dans des mecs qui essayent de faire du fric alors qu'ils sont réduits à pas bouffer le soir. Je crois que ce tumulte, il prend part exactement dans la vie de ces quartiers. C'est des mecs qui doivent mordre l'autre, qui doivent se gueuler dessus, qui doivent gueuler au-dessus des téléphones pour se faire une place. Et c'est comme ça que j'ai l'impression que ça peut marcher comme ça. Et dans une ville comme New York, qui est complètement bordélique dans certains quartiers, tu vas dans des districts, tu pige absolument rien parce que tout le monde est en train de voyager, tout le monde est en train de gueuler, d'essayer de te vendre des trucs, d'essayer de te répondre. Et j'ai l'impression que ce film fait écho à ça maintenant. Je suis d'accord avec le côté brouillon et donc lacunaire du film. On est irréconciliables ce soir. Attends, il reste le Makoto Shinkai. Oui, très bien. Et maintenant, un peu de douceur et de J-pop dans la vie, même s'il pleut beaucoup et que peut-être le film est plus triste qu'on ne croit. Nous allons parler tout de suite des Enfants du Temps, le film de Makoto Shinkai. Ano natsu no hi, ano sora no ue de watashitachi wa sekai no katachi wo ketteiteki ni kaete shimatta nda. 100% の晴れ女? Né au Japon en 1973, Makoto Shinkai est un graphiste, écrivain et réalisateur d'animation. Les Enfants du Temps est son cinquième long-métrage, si l'on compte le film à sketch 5 cm par seconde en 2007. Son précédent film, Your Name, en 2016, a été un succès historique au Japon, devenant le deuxième plus grand succès jamais enregistré pour un film d'animation, tout juste derrière Le Voyage de Chihiro. Le succès a également couronné ce dernier film en date, donc Les Enfants du Temps, que Makoto Shinkai a écrit et réalisé. La musique du film est signée par le groupe de pop japonais Radwimps. Qui avait déjà travaillé sur Your Name. Le pitch, c'est quoi ? Donc, on est avec Odaka. C'est un adolescent qui arrive à Tokyo sans argent après ce qui semble bien être une fugue. Dans le bateau qui l'amène dans une mégapole cruelle, dangereuse et constamment sous une pluie battante, Odaka fait la connaissance de Keisuke, un journaliste un peu louche, pour qui il va bientôt se mettre à travailler. Lors de ses premiers jours, le chemin d'Odaka croise à deux reprises celui de la jeune Ina, une orpheline qui vit seule avec son petit frère. Ina confie à Odaka un secret, c'est une fille soleil. Donc en se concentrant, elle aide le soleil à percer les nuages pour provoquer des éclaircies et elle peut le faire sur commande, n'est-ce pas ? Et comme Olivier est notre nipophile attitré de l'émission, Olivier va commencer sur ce film-là. Petite précision, les nipophiles sont donc les gens qui aiment particulièrement les tétons. Ah. Bon, eh bien Manu, c'est un très bon film, voyons, c'est un très bon film. Son principal défaut, c'est qu'il ressemble excessivement à Your Name. Le point principal narrativement du film qui m'a plu, sont les personnages. Je trouve les personnages extrêmement fouillés, même surprenants. Ils ont des arcs narratifs vraiment complets. T'as le personnage principal de Odaka, mais t'as aussi donc Keisuke. T'as la nana qui bosse avec Keisuke, qui a aussi un personnage magnifique. La jeune fille Ina, avec qui Odaka va nouer une relation. Voilà, c'est vraiment son frère. Ouais, son petit frère. Il y a énormément de personnages qui sont vraiment très fouillés, très beaux. Je trouve qu'il y a une scène magnifique dans le film qui a l'air un peu de rien, mais qui est juste une scène où il arrive avec Ina et le petit frère de Ina à se réfugier dans une chambre d'hôtel. Et juste le temps d'une nuit, ils vont réussir à recréer comme une famille. Et c'est vraiment assez beau avec les deux garçons. Enfin, il y a toute une histoire autour de la salle de bain, la fille qui se baigne d'abord, et puis les deux garçons qui vont y aller ensemble, etc. Deuxième point, c'est un film qui sait bien alterner des moments d'apaisement, des moments étirés comme par exemple la préparation d'un plat de nouilles et des moments qui vont beaucoup plus vite. Shinkai, il a aussi un truc où des fois il utilise des plans dans un montage très serré comme un effet un peu subliminal qui va d'un coup réveiller l'œil du spectateur et il a quand même une certaine magie au niveau de son montage, quelque chose de très particulier. Et aussi par moments l'utilisation de la 3D où il va accélérer le rythme un petit peu de certaines séquences. Ça visuellement c'est dingue, hein. Je trouve le mélange entre le dessin animé entre guillemets, disons, classique et les images 3D qui se mêlent, qui permettent des mouvements de caméra qu'on voit jamais dans ce genre de truc, c'est absolument magnifique. Dernière chose, c'est que Shinkai, en fait, on pourrait croire, vu le thème, que c'est quelqu'un qui va être très dans la suite d'un manga mainstream, on va être préoccupé très fort par des enjeux climatiques, etc., et un certain animisme dans la continuité de tous les mangaka qu'on connaît ici. Il l'est, mais il a aussi un ton très très particulier parce qu'il est presque parfois documentaire. Enfin, je veux dire, les vues de Tokyo, on a vraiment parfois l'impression d'y être. Moi, je suis déjà allé à Tokyo. Des fois, il te fait des plans sur les distributeurs de canettes. Je peux te dire que c'est exactement les mêmes marques, exactement les mêmes canettes. Et aussi, il a un côté un peu dur au début du film. Il y a une histoire de prostitution, il y a une histoire de cruauté, il y a une histoire que lui, il a faim et on sent que la vie est dure, que la ville plutôt est dure. dur pour le jeune Odaka, et c'est un truc, c'est un ton qu'on n'a pas souvent dans ce type de film. Et puis je trouve que le film, il a une morale finalement assez ambiguë. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé du message écologiste du film, mais le film, je pense, est beaucoup plus ambigu dans, ah, tout à fait, dans son propos, et c'est ça, bah, qui le rend beaucoup plus ambitieux, moi je dirais. Et, bah, il est plus moderne, il est beaucoup moins, justement, il n'est pas dans une forme de discours consensuel vis-à-vis de ça. Ah non, pas du tout. Parce que, en fait, malgré peut-être son discours écologiste qu'il porte, il le porte à hauteur de ses personnages et de ce que veulent vivre ces personnages-là. Et c'est ça, je trouve, là où le film est assez fort. Sur les dernières 5 minutes du film, il va quand même y avoir quelque chose qui va se passer dans le récit. Je pense qu'il faut quand même pas trop dévoiler. Et c'est une morale qui est, je trouve, assez inattendue dans ce film. Ben ouais, mais inattendue. C'est pas... Aujourd'hui, on a parlé de 4 films dont 3 m'ont personnellement semblé vertigineux dans leurs propos. C'est-à-dire que c'est des films qui n'ont pas envie de développer un propos tout au long de leur narration, mais qui vont aller à travers le fouillement, je veux dire, le fait que tous ces personnages soient fouillés, va se permettre de traiter, comme dans le Malick pour moi, comme dans le Eastwood, un florilège de thèmes. Ça va jusqu'au côté mystique de l'histoire, qui va assez loin. Moi, je m'attendais pas au début du film à voir le film creuser ça avec cette qualité là. Là où le film m'a beaucoup touché, et Olivier en parlait assez bien, c'est justement, je ne suis pas allé moi à Tokyo, c'est justement dans cette reconstitution qui semble hyper méticuleuse de la vie là-bas. Et effectivement, moi, j'ai pas besoin d'y avoir été pour avoir l'impression d'y être. Non, alors ça, en plus, ça passe par des choses qui, souvent au cinéma, sont des choses qui font justement écran entre moi et le film, qui sont une utilisation extrêmement intensive de marque. On voit énormément de marques apparaître à l'écran, ce qui pourrait être quelque chose qui parasite ta vision, parce qu'à un moment, tu le vois justement comme un placement de produit. C'est peut-être un placement de produit, mais pour moi, ça ne fait que servir l'ancrage réaliste du film. Et c'est là où je trouve le film assez admirable, c'est dans la manière où il travaille ce récit un petit peu qui est très centré sur ce personnage masculin et son éveil. La manière dont son éveil amoureux vis-à-vis de cette jeune fille est constamment en adéquation avec des bascules sur l'univers fantastique du film. Il y a notamment une séquence, tu parlais de la séquence où il se retrouve dans un hôtel, il y a un moment où se pose la question du rapport amoureux et du dévoilement du corps. C'est là, à ce moment-là, que tu as un élément fantastique qui était annoncé, et je trouve ça très beau. Ça se passe aussi lors de la séquence où il va faire sa déclaration d'amour. Je veux dire, il y a une manière de jouer avec les codes d'un type de récit typiquement japonais et de détourner certains passages clés qui est extrêmement satisfaisant en tant que spectateur. Je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais je voulais juste rebondir sur le côté presque réaliste, enfin d'imprégnation réaliste, je vais dire, qu'a le film sur le spectateur. Et revenir sur ce que disait Julien, par exemple, tout à l'heure sur Uncut Gems, en disant que c'était un film purement contemporain, et ben là, je sens une contemporanéité qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus incarnée, entre autres, dans, si on met vraiment les films en parallèle, dans le rapport au smartphone et aux écrans. Dans le film de Shinkai, ils ont vraiment une importance, ils font avancer l'intrigue, et comment dans Uncut Gems, pas. Mais ça m'a presque, enfin, à cet égard des écrans, ça m'a rappelé Parasite dans certaines utilisations, bien que les films n'aient rien à voir. Je trouve que le film prend vraiment corps, surtout dans sa deuxième partie, à partir du moment où ils sont poursuivis par la police, à partir du moment où vraiment il y a quelque chose qui se met en jeu, parce qu'ils sont et qui commencent à fuir tous ensemble, et non plus seulement lui. Je trouve qu'ils sont mus par quelque chose, ils sont en mouvement, et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Je trouve qu'il y a vraiment, Manu en a parlé un petit peu, je trouve qu'il y a vraiment des très très très beaux moments. Le film est bouleversant à certains moments. Ouais, il y a des purs moments de grâce. Quand elle se déshabille à l'hôtel, etc. Bon, je ne vais pas trop spoiler, mais qu'on voit ce qui se passe entre deux, je trouve ça très très beau. Et puis c'est cette idée de l'amour absolu que lui a. Par exemple, il fait cette course sur les rails, que je trouve aussi très belle, parce qu'il est omnubilé complètement dans quelque chose. Il doit la voir, il doit la retrouver, il doit absolument la... Et je trouve ça assez fort. C'est marrant parce que La musique m'a sorti plusieurs, enfin m'a sorti, m'a semblé un peu too much et exagéré, la pop qui la J-pop, la quoi, la J-pop. Ouais, c'est parce qu'on l'a pas, nous on l'a pas dans, ouais, dans l'oreille quoi, mais je veux dire, je pense que les morceaux servent la narration et servent le rythme du film et ça c'est certain. Après on peut dire que les morceaux, enfin je sais pas, je pense que Oli est pas d'accord, mais les morceaux sont quand même vraiment difficiles à écouter. Après c'est sûr qu'ils servent vraiment la narration, ça c'est clair. Si tu les enlèves, ça perd de son sens. Ah non, mais effectivement je les mettrais pas chez moi quand je prends ma douche, mais c'est moi vrai j'ai essayé en faisant la cuisine, ouais, ça marchait, hein. En tout cas ce qui est vrai, c'est que paradoxalement, par rapport à ce que je disais, c'est que à la fin il y a un moment donné où une musique commence, c'est vraiment avant qu'il ne monte sur un toit et qu'il court dans les escaliers, où je me dis ah, pourquoi la musique commence, et en fait finalement je me laisse totalement emporter et je trouve que c'est assez beau parce que ça met quelque chose d'assez épique dans la montée des escaliers, dans la façon dont tout ça prend corps ensemble. Il y a une forme de jubilation à ce, ouais, moment-là, parce que ça s'accompagne par justement l'utilisation souvent de mouvements en 3D au sein de cette animation. Il y a vraiment une sorte d'écriture qui converge aussi. Il y a une sorte de jubilation dans ces séquences clés qui fait qu'effectivement, je ne suis pas très client de J-pop et je ne suis pas fan de typiquement des morceaux qu'il y a dans le film, mais j'adhère complètement à ça à ce moment-là, parce que tous les éléments de la mise en scène participent à un moment à lâcher prise dans ces séquences-là qui sont souvent les séquences où on bascule vers des moments oniriques. Tout à fait. Et je commençais mon intervention en disant que le défaut principal du film, c'était qu'il ressemblait très fort à Your Name, ce qui est vrai. Your Name était plus virtuose dans sa narration. Dans la première heure de Your Name, c'était dingue ce que le film te posait en très très peu de temps. Il était vraiment très virtuose, mais s'éternisait beaucoup plus longuement à la fin dans des séquences trop mièvre. Ici, on a moins de virtuosité, je trouve, purement au niveau de la narration, même si ça présente énormément de personnages et énormément d'enjeux assez vite, mais c'est moins que dans Your Name. Mais la fin est plus, je trouvais, plus cohérente et moins étendue. L'effet de l'absence de nouveauté qu'il y a dans Les Enfants du Temps vis-à-vis de Your Name joue un petit peu contre le film. Mais peut-être que c'est un film plus abouti. Mais voilà, mais ça c'est quelque chose qu'il faudra voir avec le temps. Mais à soi aussi peut-être la place de Makoto Shinkai dans ce que fait le cinéma animé japonais actuellement. Je pense qu'il a quand même un challenge sur son nouveau film de ne pas refaire encore un film trop proche de ces deux-là, quoi. Mais ouais, je pense qu'il en avait fait d'autres avant qui étaient différents et qui étaient excellents aussi. Mais justement, hein. Mais je pense que la question de Your Name, qui a été un succès monumental au Japon, fait qu'effectivement, peut-être qu'il y a un questionnement sur qu'est-ce qu'il va faire par la suite et qu'on est dans un entre-deux avec Les Enfants du Temps, avec toujours cette voix très particulière qu'il y a dans le milieu de l'animation japonaise, mais effectivement avec des moments où tu as l'impression que pour le coup, là où dans ses autres films il y avait vraiment une différenciation entre chacun de ses films et une évolution, là il y a un effet de surprise que tu n'as plus, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Your Name et tu attends de voir qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Qui vivra, verra. Amen. Et maintenant nous allons tout de suite écoutez Harry Callahan qui a quelque chose à nous dire. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Eh bien voilà messieurs, maintenant l'heure est venue de passer à la dernière rubrique de cette émission. Nous allons passer donc au conseil. Julien Rombaud, je pense que tu as vu un beau film, dis-moi. Oui, un très beau film qui s'appelle La vie invisible de Ridis Gishmao, qui a gagné d'ailleurs le prix Un certain regard à Cannes. Oui, mais c'était Nadine Labaki, la chef du jury. Oui, c'est vrai que ça retire un petit peu de... Mais bon, sans doute que bon. Le film, bon, il est bien. Le film reste bon, il est réalisé par Karim Aïnous, avec deux interprètes féminines très très très très bien, qui sont Carole Duarte et Julia Stockler. C'est un mélodrame sur deux sœurs qui essayent toute leur vie de se retrouver. Manuel Haas, qu'as-tu à nous conseiller ? Eh bien, vu qu'on a accès à ce programme-là sur les nazis et les juifs, je vais vous conseiller un film avec Adolf Hitler et un ananas, qui s'appelle Little Nicky, qui est un film d'Adam Sandler, très sous-estimé, qui est un peu le Citizen Kane de la carrière d'Adam Sandler. Non, plus sérieusement, vu qu'il y a un énorme engouement sur le contre-emploi d'Adam Sandler chez les frères Safdie, et que sûrement pour voir ce film Uncut James, si vous nous écoutez, vous vous êtes abonné à un géant de la VOD, je vous conseillerais d'autres films qui sont présents au catalogue de ce service de VOD, puisque alors je vous déconseillerais tous les films récents d'Adam Sandler qui ont été des films produits par, on va le dire, Netflix, qui sont pour le coup des films assez négligeables dans sa filmo, mais je vous conseillerais de revoir Rien que pour vos cheveux, de revoir Click, Télécommander votre vie, qui sont des films bien plus satisfaisants, bien plus intéressants dans les thèmes qu'ils traitent, qui sont relativement similaires à ceux de Uncut James. Et voilà, et vous découvrirez que derrière ces dents blanches, Adam Sandler est un acteur un peu plus intéressant que ce que proposent les frères Safdie dans leurs films. On a compris que tu gardais une dent contre les frères Safdie, toi, par contre. Lucien ? Eh bien moi, pour reparler du film des frères Safdie, je vais vous conseiller de revoir, je vais être très expéditif parce que je n'ai pas préparé grand-chose, mais de revoir un film que je trouve absolument génial, probablement un des plus grands films sur le manque qui ait jamais été filmé. Donc je parle bien du film de Jerry Schatzberg, immense cinéaste dont on parle assez peu, enfin trop peu par rapport à la qualité de certains de ses films, à mon sens, dont Panic at Needle Park, excellent film, un des plus grands rôles d'Al Pacino à voir absolument. Très bien. Ben moi, je m'en sors aujourd'hui par une pirouette parce que, en fait, je vous ai proposé en début d'émission un jeu qui était quand même hyper cool. Donc, du coup, je vous conseille un film dissoute par décennie. Donc, en 1976, José Wells, Hors la loi. Regardez ce film magnifique. Un western picaresque. Génial. En 82, regardez Honky Tonk Man, un des premiers films qui va développer, après Breezy, une veine beaucoup plus sentimentale chez Clint Eastwood. Excellent. Où il joue un joueur de country. En 93, les années 90 sont prolifiques, hein. Il y a quand même Sur la route de Madison, impitoyable, mais il y a Un monde parfait aussi, donc le film avec le petit garçon déguisé en fantôme pendant tout le long du film, avec en filigrane l'assassinat de Kennedy. Super film. Et mes estimés dans les années 2000, L'échange, un film avec Angelina Jolie qui est un très beau film. Excellent. Très puissant et qui extrêmement est assez violent, ouais, avec des séquences peut-être de mise à mort, malaise, des mises à mort les plus malaisantes que j'ai jamais vues au cinéma. Nous finirons ici ce 38e épisode de Transmission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt.